Quoi? Ouais, mais là, vous pouvez pas rester là, hein, vous foutez le camp. Quoi? La brigade? Si, ouais, je connais. Ouais. Oh, bah, pour moi, la brigade, pour moi, c'est de la merde. Hein. La brigade. Ah, bah, pour moi, c'est pareil. Hein. Vu là ce qu'ils ont fait, excusez-moi de parler comme ça, mais faut quand même savoir, hein, que chacun reste aussi à sa place. Hein. Parce que si on commence à gueuler, moi, je vais commencer à gueuler aussi. Hein. Hein, la France aux Français, moi, ça me choque pas, non? Ça vous paraît pas normal, vous? Bon, ben quoi, qu'est-ce que dis donc, oh, hein? Si maintenant, alors quoi, ils vont nous mettre qui au président, là? Hein, qui, Youssou N'Dour? Allons-y, non, mais c'est parti, là. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là?